Bonjour francophones, welcome to French Pod America. Je m'appelle Amaury, bonjour. It's an elementary lesson and we're back to the Brad Pitt drama. Mm-hmm. If you haven't heard the other two in this sort of series, it's okay because we'll tell you what happened. We had these two girls that found out Brad Pitt moved to France, which he actually did. Which is true, and they definitely want to meet him. And they were trying to find him. And the last time, they were like, oh, it's him, and they were about to go up to him. Mm-hmm. And, well, maybe today we'll find out what happened that day. So, what's something they're gonna say? Aucune idée. No idea. That's right. Like, I have no idea. Mm-hmm. Aucune idée. Can you say it one more time? Aucune idée. Okay, here's the dialogue 3 times. Dialogue, première écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! Dialogue, deuxième écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! Dialogue, troisième écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! It's your translation. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. I can't believe it. We still haven't met Brad Pitt. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. I can't believe it. We still haven't met Brad Pitt. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. I really believe that it was him last time. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. I really thought it was him last time. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier. Excuse me, Montarlier Street. Excusez-moi, la rue Montarlier. Excuse me, Montarlier Street. Excusez-moi, la rue Montarlier. Aucune idée. Désolé. Ah, je suis désespéré. No idea, sorry. Ah, oh, I'm despaired. Aucune idée. Désolé. Ah, je suis désespéré. No idea, sorry. Ah, oh, I feel hopeless. Aucune idée. Désolé. Ah, je suis désespéré. Il était bizarre, ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. He was bizarre, that guy. With his sunglasses and his hat, like a spy. Il était bizarre, ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau. Comme un espion. He was weird, that guy. With his sunglasses and hat, like a spy. Il était bizarre, ce type. Avec ses lunettes de soleil et son chapeau. Comme un espion. Mais bon sang, c'était lui. Ce n'est pas vrai. C'était Brad Pitt. For crying out loud, it was him. It's not true. It was Brad Pitt. Mais bon sang, c'était lui. C'est pas vrai. C'était Brad Pitt. But darn it. It was him. No way. It was Brad Pitt. Mais bon sang, c'était lui. C'est pas vrai. C'était Brad Pitt. Ah! Well, yeah. It wasn't probably how they imagined it would happen. No, probably not. Let's start at the beginning, okay? So what was the first thing that she said? Je n'arrive pas à le croire. Arriver à. So je n'arrive pas à. I can't. what? Le croire. Believe it. Yeah. Can you say the whole phrase now, one more time? Je n'arrive pas à le croire. So let's find out what she can't believe. How do you say we meet? On rencontre. How about we met in the past? On a rencontré. How about we didn't meet? Ah, poor girls. On n'a pas rencontré. And we still haven't met. On n'a toujours pas rencontré. Can you say that whole phrase one more time? Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. But j'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. So did we. Yeah, but... Well, let's look at this now. How do you say I believe? Je crois. I believed. J'ai cru. I really believed. J'ai vraiment cru. Elle a vraiment cru que... What? C'était lui la dernière fois. Okay, so it's him. C'est lui. It was him. C'était lui. Okay. Mm-hmm. So, like she says, j'ai vraiment cru que c'était lui. When? La dernière fois. When we say last time, we have to add an article. We say la dernière fois. Always. Yeah. So they're, you know, feeling sorry for themselves. And then some guy interrupts their thoughts and asks for la rue Montarlier. The typical French accent? Yeah, his accent's a little funny. He's like, la rue Montarlier, right? Huh? And, but they were so, you know, désespérés that they weren't paying attention. So how did she respond to this guy? Aucune idée. Désolé. Yeah, she's not really paying attention. No, not really. Yeah, no idea. Aucune idée, okay? Désolé. And then she goes back. Oh, what does she say? Je suis désespéré. So this word désespéré, It literally means despaired. Yeah. This is one I think it's not exact translation in English because it's used more commonly in French than we would use despaired. It means like I feel hopeless. Oh, je suis désespéré. I really just feel like I have no hope. I'm so bummed out. Exactly. Désespéré. Now, the other girl, though, is like, wait a minute. Yeah. She notices something. What does she say? Il était bizarre, ce type. Il était bizarre. He was bizarre. Mm-hmm. Who? Ce type. Type. We'll talk about again later. It's like guy. Yeah. But ce type, that guy or this guy. So what was bizarre about him? Il était bizarre avec ses lunettes de soleil. Okay. Et son chapeau. Les lunettes de soleil. But here she says his sunglasses, so... Ses lunettes de soleil. And his hat too. Son chapeau. Comme un espion. Okay. So he must be like incognito. Yeah. So that gave them an idea. Wait a minute. Who would walk around comme un espion trying to hide his identity? But then it worked a little bit. Apparently, yeah. Good technique. And they're like, oh! Mais bon sang, c'était lui. Oh no! Okay, mais bon sang. Talk about that again later. But it's an exclamation of outrage. Mais bon sang, c'était lui. This time, c'était lui. And what do they say next? C'est pas vrai. So, ce n'est pas vrai. We tend to say, c'est pas vrai in oral speech. Yeah, very aware that we say the whole thing, ce n'est pas vrai. Yeah. It's much more common to say, c'est pas vrai. It literally means, it's not true, but you use it in French to be like, no way. Exactly. Get out. Mm-hmm. C'est pas vrai. Mais non. Mais bon sang, c'était Brad Pitt! At least they've accomplished a goal. They met him at least. Yeah, wasn't quite the way they were imagining, but... Why don't we listen to that dialogue three more times? Sure. Mais bon sang, it's not working. C'est bizarre. Why isn't it working? Aucune idée, Erika. Oh, c'est pas vrai. Okay, here, let me try this. Dialogue, première écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, oh, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! Dialogue, deuxième écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! Ah! Dialogue, troisième écoute. Je n'arrive pas à le croire. On n'a toujours pas rencontré Brad Pitt. J'ai vraiment cru que c'était lui la dernière fois. Excusez-moi, la rue Montarlier? Aucune idée, désolée. Ah, oh, je suis désespérée. Il était bizarre ce type, avec ses lunettes de soleil et son chapeau, comme un espion. Mais bon sang, c'était lui! C'est pas vrai! C'était Brad Pitt! Ah! So we're back, and let's talk about a couple things. First, we had the word type. Can you say that about a girl? No. It implies a man. Yeah. Okay, and it's like a guy. But it's not very nice, really, is it? It's very slangy. Mm-hmm. It's a bit negative. Yeah. When you talk about a guy, and you use type. Yeah, it's like here. Il était bizarre, ce type. It's kind of a bit rude. It's definitely a very informal, it's a little slangy, it means like guy. But it's pretty common. You'll hear it probably quite a bit. Okay, and then one more thing we learned today. Mais bon sang! First of all, it's not a bad word. So you're not swearing if you say that. No. As you said, it's an exclamation. Right, and it literally means, but good blood. But it can also mean like, for crying out loud. Darn it. Mais bon sang. Mm. Do you say this? Yeah, I do, yeah. Okay, great. Well, if you have any questions, come to Frenchpod.com. Yeah, join us on the website. Merci. And see you there. Bye-bye. Au revoir.